El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ton nom sera pour toujours, un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, El Konkan Adonai, je te louerai toujours, El Shaddai. Par amour et compassion, a sauvé le fils d'Abraham. Et par ta main, tu as séché la mer pour ton peuple passé. Les cœurs opprimés, tu les vois, et avec amour, viens chercher les enfants qui veulent apprendre à t'aimer. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ton nom sera pour toujours, un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, El Konkan Adonai, je te louerai toujours, El Shaddai. Chaque année tu viens montrer que bientôt tu vas revenir. Et même ceux qui t'ont nié, ton pouvoir ils ont remarqué. Le plan du ciel s'est accompli en envoyant ton fils béni qui est mort pour nos péchés et qui est mort pour nos sauver. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, ton nom sera pour toujours, un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, El Konkan Adonai, je te louerai toujours, El Shaddai. Yeah. Te